Les amis de l'ABC. Chapitre 1. Un groupe qui a failli devenir historique. À cette époque, indifférente en apparence, un certain frisson révolutionnaire courait vaguement. Des souffles, revenus des profondeurs de 89 et de 92, étaient dans l'air. La jeunesse était, qu'on nous passe le mot, en train de muer. On se transformait, presque sans s'en douter, par le mouvement même du temps. L'aiguille qui marche sur le cadran marche aussi dans les âmes. Chacun faisait en avant le pas qu'il avait à faire. Les royalistes devenaient libéraux, les libéraux devenaient démocrates. C'était comme une marée montante compliquée de mille reflux. Le propre des reflux, c'est de faire des mélanges. De là, des combinaisons d'idées très singulières. On adorait à la fois Napoléon et la liberté. Nous faisons ici de l'histoire. C'était les mirages de ce temps-là. Les opinions traversent des phases. Le royalisme voltairien, variété bizarre, a eu un pendant non moins étrange, le libéralisme bonapartiste. D'autres groupes d'esprit étaient plus sérieux. Là, on sondait le principe. Là, on s'attachait au droit. On se passionnait pour l'absolu. On entrevoyait les réalisations infinies. L'absolu, par sa rigidité même, pousse les esprits vers l'azur et les fait flotter dans l'illimité. Rien n'est tel que le dogme pour enfanter le rêve. Et rien n'est tel que le rêve pour engendrer l'avenir. Utopie aujourd'hui, chair et os demain. Les opinions avancées avaient des doubles fonds. Un commencement de mystère menaçait l'ordre établi, lequel était suspect et sournois. Signe au plus haut point révolutionnaire. L'arrière-pensée du pouvoir rencontre dans la sape l'arrière-pensée du peuple. L'incubation des insurrections donne la réplique à la préméditation des coups d'État. Il n'y avait pas encore en France, alors, de ces vastes organisations sous-jacentes comme le Tugendbund allemand et le carbonarisme italien. Mais ça et là, des creusements obscurs se ramifiant. La Cougourde s'ébauchait à Aix, il y avait à Paris, entre autres affiliations de ce genre, la Société des Amis de l'ABC. Qu'était-ce que les Amis de l'ABC ? Une société ayant pour but, en apparence, l'éducation des enfants. En réalité, le redressement des hommes. On se déclarait les amis de l'ABC. L'ABC, c'était le peuple. On voulait le relever. Calembours dont on aurait tort de rire. Les calembours sont quelquefois graves en politique. Témoin le castratus ad castra, qui fit de Narsès un général d'armée. Témoin barbari et barberini, témoin fueros y fuegos, témoin tu es Petrus et super anc Petram, etc., etc. Les amis de la BC étaient peu nombreux. C'était une société secrète à l'état d'embryon. Nous dirions presque une coterie, si les coteries aboutissaient à des héros. Ils se réunissaient à Paris en deux endroits, près des Halles, dans un cabaret appelé Corinthe, dont il sera question plus tard, et près du Panthéon, dans un petit café de la place Saint-Michel, appelé le Café Musain, aujourd'hui démoli. Le premier de ces lieux de rendez-vous était contigu aux ouvriers, le deuxième aux étudiants. Les conciliabules habituelles des amis de l'ABC se tenaient dans une arrière-salle du café Musain. Cette salle, assez éloignée du café, auquel elle communiquait par un très long couloir, avait deux fenêtres et une issue avec un escalier dérobé sur la petite rue des Grès. On y fumait, on y buvait, on y jouait, on y riait. On y causait très haut de tout et à voix basse d'autre chose. Au mur était cloué, indice suffisant pour éveiller le flair d'un agent de police, une vieille carte de la France sous la République. La plupart des amis de l'ABC étaient des étudiants, en entente cordiale avec quelques ouvriers. Voici les noms des principaux. Ils appartiennent dans une certaine mesure à l'histoire. Enjolras, Combeferre, Jean Prouvaire, Feuilly, Courfeyrac, Bahorel, L'Aigle ou L'Aigle, Joly, Grantaire. Ces jeunes gens faisaient entre eux une sorte de famille à force d'amitié. Tous, L'Aigle excepté, étaient du Midi. Ce groupe était remarquable. Il s'est évanoui dans les profondeurs invisibles qui sont derrière nous. Au point de ce drame où nous sommes parvenus, il n'est pas inutile peut-être de diriger un rayon de clarté sur ces jeunes têtes avant que le lecteur les voie s'enfoncer dans l'ombre d'une aventure tragique. Enjolras, que nous avons nommé le premier, on verra plus tard pourquoi, était fils unique et riche. Enjolras était un jeune homme charmant, capable d'être terrible. Il était angéliquement beau. C'était Antinous, farouche. On eût dit, à voir la réverbération pensive de son regard, qu'il avait déjà, dans quelque existence précédente, traversé l'apocalypse révolutionnaire. Il en avait la tradition comme un témoin. Il savait tous les petits détails de la grande chose. Nature pontificale et guerrière, étrange dans un adolescent. Il était officiant et militant. Au point de vue immédiat, soldat de la démocratie. Au-dessus du mouvement contemporain, prêtre de l'idéal. Il avait la prunelle profonde, la paupière un peu rouge, la lèvre inférieure épaisse et facilement dédaigneuse, le front haut. Beaucoup de front dans un visage, c'est comme beaucoup de ciel dans un horizon. Ainsi que certains jeunes hommes du commencement de ce siècle et de la fin du siècle dernier qui ont été illustres, de bonne heure, il avait une jeunesse excessive, fraîche comme chez les jeunes filles, quoique avec des heures de pâleur. Déjà homme, il semblait encore enfant. Ses 22 ans en paraissaient 17. Il était grave, il ne semblait pas savoir qu'il y eût sur la terre un être appelé la femme. Il n'avait qu'une passion, le droit. Qu'une pensée, renverser l'obstacle. Sur le mont Aventin, il eût été Gracchus. Dans la Convention, il eût été Saint-Just. Il voyait à peine les roses. Il ignorait le printemps. Il n'entendait pas chanter les oiseaux. La gorge nue d'Évadnée ne l'eût pas plus ému qu'Aristogiton. Pour lui, comme pour Harmodius, les fleurs n'étaient bonnes qu'à cacher l'épée. Il était sévère dans les joies. Devant tout ce qui n'était pas la République, il baissait chastement les yeux. C'était l'amoureux de marbre de la liberté. Sa parole était âprement inspirée et avait un frémissement d'hymne. Il avait des ouvertures d'ailes inattendues. Malheur à l'amourette qui se fût risquée de son côté. Si quelque grisette de la place Cambrai ou de la rue Saint-Jean de Beauvais, voyant cette figure d'échappée de collège, cette encolure de page, ses longs cils blonds, ses yeux bleus, cette chevelure tumultueuse au vent, ses joues roses, ses lèvres neuves, ses dents exquises, eût-tu appétit de toute cette aurore, et fut venu essayer sa beauté sur Enjolras, un regard surprenant et redoutable lui eût montré brusquement l'abîme, et lui eût appris à ne pas confondre avec le chérubin galant de Beaumarchais, le formidable chérubin d'Ézéchiel. À côté d'Enjolras, que représentait la logique de la Révolution, Combeferre en représentait la philosophie. Entre la logique de la Révolution et sa philosophie, il y a cette différence que sa logique peut conclure à la guerre, tandis que sa philosophie ne peut aboutir qu'à la paix. Combeferre complétait et rectifiait Enjolras. Il était moins haut et plus large. Il voulait qu'on versât aux esprits les principes étendus d'idées générales. Il disait « révolution, mais civilisation ». Et autour de la montagne à pic, il ouvrait le vaste horizon bleu. De là, dans toutes les vues de Combeferre, quelque chose d'accessible et de praticable. La révolution avec Combeferre était plus respirable qu'avec Enjolras. Enjolras en exprimait le droit divin et Combeferre le droit naturel. Le premier se rattachait à Robespierre, le second confinait à Condorcet. Combeferre vivait plus qu'Enjolras de la vie de tout le monde. S'il eût été donné à ces deux jeunes hommes d'arriver jusqu'à l'histoire, l'un eût été le juste, l'autre eût été le sage. Enjolras était plus viril, Combeferre était plus humain. Homo et vir, c'était bien là en effet leur nuance. Combeferre était doux comme Enjolras était sévère, par blancheur naturelle. Il aimait le mot citoyen, mais il préférait le mot homme. Il eût volontiers dit « hombre » comme les Espagnols. Il lisait tout, allait au théâtre, suivait les cours publics, apprenait d'Arago la polarisation de la lumière, se passionnait pour une leçon où Geoffrey Saint-Hilaire avait expliqué la double fonction de l'artère carotide externe et de l'artère carotide interne, l'une qui fait le visage, l'autre qui fait le cerveau. Il était au courant, suivant la science pas à pas, confrontait Saint-Simon avec Fourier, déchiffrait les hiéroglyphes, cassait les cailloux qu'il trouvait et raisonnait géologie, dessinait de mémoire un papillon bombyx, signalait les fautes de français dans le dictionnaire de l'Académie, étudiait Puységur et Deleuze, n'affirmait rien, pas même les miracles, ne niait rien, pas même les revenants, feuilletait la collection du Moniteur, songeait. Il déclarait que l'avenir est dans la main du maître d'école et se préoccupait des questions d'éducation. Il voulait que la société travaillât sans relâche à l'élévation du niveau intellectuel et moral, au monnayage de la science, à la mise en circulation des idées, à la croissance de l'esprit dans la jeunesse. Et il craignait que la pauvreté actuelle des méthodes, la misère du point de vue littéraire bornée à 2 ou 3 siècles dits classiques, le dogmatisme tyrannique des pédants officiels, les préjugés scolastiques et les routines ne finissent par faire de nos collèges des huîtrières artificielles. Il était savant, puriste, précis, polytechnique, piocheur, et en même temps pensif jusqu'à la chimère, disaient ses amis. Il croyait à tous ses rêves. Les chemins de fer, la suppression de la souffrance dans les opérations chirurgicales, la fixation de l'image de la chambre noire, le télégraphe électrique, la direction des ballons. Du reste, peu effrayé des citadelles bâties de toutes parts contre le genre humain par les superstitions, les despotismes et les préjugés, il était de ceux qui pensent que la science finira par tourner la position. Enjolras était un chef. Combeferre était un guide. On eût voulu combattre avec l'un et marcher avec l'autre. Ce n'est pas que Combeferre ne fût capable de combattre, il ne refusait pas de prendre corps à corps l'obstacle et de l'attaquer de vive force et par explosion. Mais mettre peu à peu, par l'enseignement des axiomes et la promulgation des lois positives, le genre humain d'accord avec ses destinées, cela lui plaisait mieux. et entre deux clartés, sa pente était plutôt pour l'illumination que pour l'embrasement. Un incendie peut faire une aurore, sans doute, mais pourquoi ne pas attendre le lever du jour? Un volcan éclaire, mais l'aube éclaire encore mieux. Combeferre préférait peut-être la blancheur du beau au flamboiement du sublime. Une clarté troublée par de la fumée, un progrès acheté par de la violence, ne satisfaisait qu'à demi ce tendre et sérieux esprit. Une précipitation à pic d'un peuple dans la vérité, un 93, l'effarait. Cependant, la stagnation lui répugnait plus encore. Il y sentait la putréfaction et la mort. À tout prendre, il aimait mieux l'écume que le miasme, et il préférait au cloaque le torrent et la chute du Niagara au lac de Montfaucon. En somme, il ne voulait ni halte ni hâte. Tandis que ses tumultueux amis, chevaleresquement épris de l'absolu, adoraient et appelaient les splendides aventures révolutionnaires, Combeferre inclinait à laisser faire le progrès, le bon progrès, froid peut-être, mais pur, méthodique, mais irréprochable, flegmatique, mais imperturbable. Combeferre se fût agenouillé et eût joint les mains pour que l'avenir arrivât avec toute sa candeur et pour que rien ne troublât l'immense évolution vertueuse des peuples. « Il faut que le bien soit innocent », répétait-il sans cesse. Et en effet, si la grandeur de la révolution, c'est de regarder fixement l'éblouissement idéal et d'y voler à travers les foudres avec du sang et du feu à ses serres, la beauté du progrès, c'est d'être sans tache. Et il y a entre Washington, qui représente l'un, et Danton, qui incarne l'autre, la différence qui sépare l'ange aux ailes de cygne de l'ange aux ailes d'aigle. Jean Prouvaire était une nuance plus adoucie encore que Combeferre. Il s'appelait Jehan, par cette petite fantaisie momentanée qui se mêlait au puissant et profond mouvement, d'où est sortie l'étude si nécessaire du Moyen-Âge. Jean Prouvaire était amoureux, cultivait un pot de fleurs, jouait de la flûte, faisait des vers, aimait le peuple, plaignait la femme, pleurait sur l'enfant. Confondait dans la même confiance l'avenir et Dieu, et blâmait la Révolution d'avoir fait tomber une tête royale, celle d'André Chénier. Il avait la voix habituellement délicate et tout à coup virile. Il était lettré jusqu'à l'érudition et presque orientaliste. Il était bon par-dessus tout. Et, chose toute simple pour qui sait combien la bonté confine à la grandeur, en fait de poésie, il préférait l'immense. Il savait l'italien, le latin, le grec et l'hébreu, et cela lui servait à ne lire que quatre poètes, Dante, Juvénal, Eschyle et Isaïe. En français, il préférait Corneille à Racine, et Agrippa d'Aubigné à Corneille. Il flânait volontiers dans les champs de Follavoine et de Bleuet, et s'occupait des nuages presque autant que des événements. Son esprit avait deux attitudes, l'une du côté de l'homme, l'autre du côté de Dieu. Il étudiait, ou il contemplait. Toute la journée, il approfondissait les questions sociales, le salaire, le capital, le crédit, le mariage, la religion, la liberté de penser, la liberté d'aimer, l'éducation, la pénalité, la misère, l'association, la propriété, la production et la répartition, l'énigme d'en bas qui couvre d'ombre la fourmilière humaine. Et le soir, il regardait les astres, ces êtres énormes. Comme Enjolras, il était riche et fils unique. Il parlait doucement, penchait la tête, baissait les yeux, souriait avec embarras, se mettait mal, avait l'air gauche, rougissait de rien, était fort timide. Du reste, intrépide. Feuilly était un ouvrier éventailliste. orphelin de père et de mère, qui gagnait péniblement 3 francs par jour et qui n'avait qu'une pensée, délivrer le monde. Il avait une autre préoccupation encore, s'instruire, ce qu'il appelait aussi se délivrer. Il s'était enseigné à lui-même à lire et à écrire. Tout ce qu'il savait, il l'avait appris seul. Feuilly était un généreux cœur. Il avait l'embrassement immense. Cet orphelin avait adopté les peuples. Sa mère lui manquant, il avait médité sur la patrie. Il ne voulait pas qu'il y eût sur la terre un homme qui fût sans patrie. Il couvait en lui-même, avec la divination profonde de l'homme du peuple, ce que nous appelons aujourd'hui l'idée des nationalités. Il avait appris l'histoire exprès pour s'indigner en connaissance de cause. Dans ce jeune cénacle d'utopistes, surtout occupé de la France, il représentait le dehors. Il avait pour spécialité la Grèce, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, l'Italie. Il prononçait ces noms-là sans cesse, à propos et hors de propos, avec la ténacité du droit. La Turquie, sur la Crète et la Thessalie, la Russie sur Varsovie, l'Autriche sur Venise, ces viols l'exaspéraient. Entre toutes, la grande voie de fait de 1772 le soulevait. Le vrai dans l'indignation. Il n'y a pas de plus souveraine éloquence. Il était éloquent de cette éloquence-là. Il ne tarissait pas sur cette date infâme, 1772, sur ce noble et vaillant peuple supprimé par trahison, sur ce crime atroce, sur ce guet-apens monstre, prototype et patron de toutes ces effrayantes suppressions d'État qui, depuis, ont frappé plusieurs nobles nations et leur ont, pour ainsi dire, raturé leur acte de naissance. Tous les attentats sociaux contemporains dérivent du partage de la Pologne. Le partage de la Pologne est un théorème dont tous les forfaits politiques actuels sont les corollaires. Pas un despote, pas un traître, depuis tout à l'heure un siècle, qui n'est visé, homologué, contresigné et paraffé, né variétour, le partage de la Pologne. Quand on compute le dossier des trahisons modernes, celle-là apparaît la première. Le congrès de Vienne a consulté ce crime avant de consommer le sien. 1772 sonne l'Alali. 1815 est la curée. Tel était le texte habituel de Feuilly. Ce pauvre ouvrier s'était fait le tuteur de la justice et elle le récompensait en le faisant grand. C'est qu'en effet, il y a de l'éternité dans le droit. Varsovie ne peut pas plus être tartare que Venise ne peut être tudesque. Les rois y perdent leur peine et leur honneur. Tôt ou tard, la patrie submergée flotte à la surface et reparaît. La Grèce redevient la Grèce. L'Italie redevient l'Italie. La protestation du droit contre le fait persiste à jamais. Le vol d'un peuple ne se prescrit pas. Ces hautes escroqueries n'ont point d'avenir. On ne démarque pas une nation comme un mouchoir. Courfeyrac avait un père qu'on nommait Monsieur de Courfeyrac. Une des idées fausses de la bourgeoisie de la Restauration, en fait d'aristocratie et de noblesse, c'était de croire à la particule. La particule, on le sait, n'a aucune signification. Mais les bourgeois du temps de la Minerve estimaient si haut ce pauvre de qu'on se croyait obligé de l'abdiquer. Monsieur de Chauvelin se faisait appeler Monsieur Chauvelin, Monsieur de Caumartin, Monsieur Caumartin, Monsieur de Constant de Rebec, Benjamin Constant, Monsieur de Lafayette, Monsieur Lafayette. Courfeyrac n'avait pas voulu rester en arrière et s'appelait Courfeyrac tout court. Nous pourrions presque, en ce qui concerne Courfeyrac, nous en tenir là et nous borner à dire, quant au reste, « Courfeyrac, voyez Tholomyès !» Courfeyrac, en effet, avait cette verve de jeunesse qu'on pourrait appeler la beauté du diable de l'esprit. Plus tard, cela s'éteint comme la gentillesse du petit chat. Et toute cette grâce aboutit, sur deux pieds, au bourgeois, et sur quatre pattes, au matou. Ce genre d'esprit, les générations qui traversent les écoles, les levées successives de la jeunesse, se le transmettent et se le passent de main en main, quasi cursores, à peu près toujours le même. De sorte que, ainsi que nous venons de l'indiquer, le premier venu qui eut écouté Courfeyrac en 1828 eut cru entendre Tholomyès en 1817. Seulement, Courfeyrac était un brave garçon. Sous les apparentes similitudes de l'esprit extérieur, la différence entre Tholomyès et lui était grande. L'homme latent qui existait entre eux était chez le premier tout autre que chez le second. Il y avait dans Tholomyès un procureur et dans Courfeyrac un paladin. Enjolras était le chef, Combeferre était le guide, Courfeyrac était le centre. Les autres donnaient plus de lumière, lui, il donnait plus de calorique. Le fait est qu'il avait toutes les qualités d'un centre, la rondeur et le rayonnement. Bahorel avait figuré dans le tumulte sanglant de juin 1822, à l'occasion de l'enterrement du jeune Lallemand. Bahorel était un être de bonne humeur et de mauvaise compagnie. Brave, panier percé, prodigue et rencontrant la générosité, bavard et rencontrant l'éloquence, hardi et rencontrant l'effronterie. La meilleure patte de diable qui fut possible. Ayant des gilets téméraires et des opinions écarlates, tapageur en grand, c'est-à-dire n'aimant rien tant qu'une querelle, si ce n'est une émeute, et rien tant qu'une émeute, si ce n'est une révolution. Toujours prêt à casser un carreau, puis à dépaver une rue, puis à démolir un gouvernement, pour voir l'effet. Étudiant de 11e année, il flairait le droit, mais il ne le faisait pas. Il avait pris pour devise « avocat jamais » et pour armoirie une table de nuit dans laquelle on entrevoyait un bonnet carré. Chaque fois qu'il passait devant l'école de droit, ce qui lui arrivait rarement, il boutonnait sa redingote. Le paletot n'était pas encore inventé. Et il prenait des précautions hygiéniques. Il disait du portail de l'école « quel beau vieillard !» et du doyen, M. Delvincourt, quel monument! Il voyait dans ses cours des sujets de chansons et dans ses professeurs des occasions de caricature. Il mangeait à rien faire une assez grosse pension, quelque chose comme 3 000 francs. Il avait des parents paysans auxquels il avait su inculquer le respect de leur fils. Il disait d'eux, ce sont des paysans et non pas des bourgeois. C'est pour cela qu'ils ont de l'intelligence. Bahorel, homme de caprice, était épars sur plusieurs cafés. Les autres avaient des habitudes. Lui n'en avait pas. Il flânait. Erré est humain. Flâné est parisien. Au fond, esprit pénétrant et penseur plus qu'il ne semblait. Il servait de lien entre les amis de l'ABC et d'autres groupes encore informes, mais qui devaient se dessiner plus tard. Il y avait dans ce conclave de jeunes têtes un membre chauve. Le marquis d'Avaray, que Louis XVIII fit duc pour l'avoir aidé à monter dans un cabriolet de place le jour où il émigra, racontait qu'en 1814, à son retour en France, comme le roi débarquait à Calais, un homme lui présenta un placé. « Que demandez-vous ? » dit le roi. « Sire, un bureau de poste. »« Comment vous appelez-vous ? » ? L'aigle. » Le roi fronça le sourcil, regarda la signature du placé et vit le nom écrit ainsi. « L-E-S-G-L-E. » Cet orthographe peu bonapartiste toucha le roi et il commença à sourire. « Sire, reprit l'homme au placé, J'ai pour ancêtre un valet de chien surnommé Légueule. Ce surnom a fait mon nom. Je m'appelle Légueule. Par contraction, l'aigle. Et par corruption, l'aigle. Ceci fit que le roi acheva son sourire. Plus tard, il donna à l'homme le bureau de poste de Meaux, exprès ou par mégarde. Le membre chauve du groupe était fils de ce Lesgle, ou l'aigle, et signé l'aigle de Meaux. Ses camarades, pour abréger, l'appelaient Bossuet. Bossuet était un garçon gai qui avait du malheur. Sa spécialité était de ne réussir à rien. Par contre, il riait de tout. À 25 ans, il était chauve. Son père avait fini par avoir une maison et un champ. Mais lui, le fils, n'avait rien eu de plus pressé que de perdre, dans une fausse spéculation, ce champ et cette maison. Il ne lui était rien resté. Il avait de la science et de l'esprit, mais il avortait. Tout lui manquait, tout le trompait. Ce qu'il échafaudait croulait sous lui. S'il fendait du bois, il se coupait un doigt. S'il avait une maîtresse, il découvrait bientôt qu'il avait aussi un ami. À tout moment, quelque misère lui advenait. De là, sa jovialité. Il disait « J'habite sous le toit des tuiles qui tombent ». Peu étonné, car pour lui l'accident était le prévu, il prenait la mauvaise chance en sérénité et souriait des taquineries de la destinée comme quelqu'un qui entend la plaisanterie. Il était pauvre, mais son gousset de bonne humeur était inépuisable. Il arrivait vite à son dernier sou, jamais à son dernier éclat de rire. Quand l'adversité entrait chez lui, il saluait cordialement cette ancienne connaissance. Il tapait sur le ventre aux catastrophes. Il était familier avec la fatalité, au point de l'appeler par son petit nom. « Bonjour, Guignon !» lui disait-il. Ses persécutions du sort l'avaient fait inventif. Il était plein de ressources. Il n'avait point d'argent, mais il trouvait moyen de faire, quand bon lui semblait, des dépenses effrénées. Une nuit, il alla jusqu'à manger 100 francs dans un souper avec une péronnelle, ce qui lui inspira au milieu de l'orgie ce mot mémorable. « Fille de Saint-Louis, tire-moi mes bottes !» Bossuet se dirigeait lentement vers la profession d'avocat. Il faisait son droit à la manière de Bahorel. Bossuet avait peu de domicile, quelquefois pas du tout. Il logeait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, le plus souvent chez Joly. Joly étudiait la médecine. Il avait 2 ans de moins que Bossuet. Joly était le malade imaginaire jeune. Ce qu'il avait gagné à la médecine, c'était d'être plus malade que médecin. À 23 ans, il se croyait valétudinaire et passait sa vie à regarder sa langue dans son miroir. Il affirmait que l'homme s'aimante comme une aiguille, et dans sa chambre, il mettait son lit au midi et les pieds au nord, afin que la nuit, la circulation de son sang ne fût pas contrariée par le grand courant magnétique du globe. Dans les orages, il se tâtait le pouls. Du reste, le plus gai de tous. Toutes ces incohérences, jeune, maniaque, malingre, joyeux, faisaient bon ménage ensemble. Et il en résultait un être excentrique et agréable que ses camarades prodigues de consonnes ailées appelaient « Joly ».« Tu peux t'envoler sur 4 L », lui disait Jean Prouvaire. Joly avait l'habitude de se toucher le nez avec le bout de sa canne, ce qui est l'indice d'un esprit sagace. Tous ces jeunes gens si divers, et dont, en somme, il ne faut parler que sérieusement, avaient une même religion, le progrès. Tous étaient les fils directs de la Révolution française. Les plus légers devenaient solennels en prononçant cette date, 89. Leur père, selon la chair, était ou avait été feuillant, royaliste, doctrinaire, peu importait. Ce pêle-mêle antérieur à eux, qui étaient jeunes, ne les regardait point. le pur sang des principes coulait dans leurs veines. Ils se rattachaient sans nuance intermédiaire au droit incorruptible et au devoir absolu. Affiliés et initiés, ils ébauchaient souterrainement l'idéal. Parmi tous ces cœurs passionnés et tous ces esprits convaincus, il y avait un sceptique. Comment se trouvait-il là? Par juxtaposition. Ce sceptique s'appelait Grantaire et signait habituellement de ce rébus R majuscule. Grantaire était un homme qui se gardait bien de croire à quelque chose. C'était du reste un des étudiants qui avait le plus appris pendant leur cours à Paris. Il savait que le meilleur café était au café Lamblin et le meilleur billard au café Voltaire, qu'on trouvait de bonnes galettes et de bonnes filles à l'Ermitage sur le boulevard du Maine, des poulets à la crapaudine chez la mère Saguet, d'excellentes matelotes barrière de la Gunette et un certain petit vin blanc barrière du Combat. Pour tout, il savait les bons endroits. En outre, la savate et le chausson, quelques danses, et il était profond bâtonniste. Par-dessus le marché, grand buveur. Il était laid démesurément. La plus jolie piqueuse de bottines de ce temps-là, Irma Boissy, indignée de sa laideur, avait rendu cette sentence. Grantaire est impossible. Mais la fatuité de Grantaire ne se déconcertait pas. Il regardait tendrement et fixement toutes les femmes, ayant l'air de dire de toutes « Si je voulais !» et cherchant à faire croire aux camarades qu'il était généralement demandé. Tous ces mots « droit du peuple, droit de l'homme, contrat social, révolution française, république, démocratie, humanité, civilisation, religion, progrès » étaient, pour Grantaire, très voisin de ne rien signifier du tout. Il en souriait. Le scepticisme, cette carie sèche de l'intelligence, ne lui avait pas laissé une idée entière dans l'esprit. Il vivait avec ironie. Ceci était son axiome. Il n'y a qu'une certitude, mon verre plein. Il raillait tous les dévouements, dans tous les partis, aussi bien le frère que le père, aussi bien Robespierre jeune que Loiserolles. « Ils sont bien avancés d'être morts » s'écriait-il. Il disait du crucifix « Voilà une potence qui a réussi. » Coureur, joueur, libertin, souvent ivre, il faisait à ces jeunes songeurs le déplaisir de chantonner sans cesse « J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. » R. Vive Henri IV. Du reste, ce sceptique avait un fanatisme. Ce fanatisme n'était ni une idée, ni un dogme, ni un art, ni une science. C'était un homme, Enjolras. Grantaire admirait, aimait et vénérait Enjolras. À qui se ralliait ce douteur anarchique dans cette phalange d'esprits absolus? Au plus absolu. De quelle façon Enjolras le subjuguait-il? Par les idées? Non. Par le caractère, phénomène souvent observé. Un sceptique qui adhère à un croyant, cela est simple comme la loi des couleurs complémentaires, ce qui nous manque nous attire. Personne n'aime le jour comme l'aveugle. La naine adore le tambour-major, le crapaud a toujours les yeux au ciel. Pourquoi? Pour voir voler l'oiseau. Grantaire, en qui rampait le doute, aimait avoir dans Enjolras la foi planée. Il avait besoin d'Enjolras. Sans qu'il s'en rendît clairement compte, et sans qu'il songeât à se l'expliquer à lui-même, cette nature chaste, saine, ferme, droite, dure, candide, le charmait. Il admirait, d'instinct, son contraire. Ses idées molles, fléchissantes, disloquées, malades, difformes, se rattachaient à Enjolras comme à une épine dorsale. son rachis moral s'appuyait à cette fermeté. Grantaire, près d'Enjolras, redevenait quelqu'un. Il était lui-même, d'ailleurs, composé de deux éléments en apparence incompatibles. Il était ironique et cordial. Son indifférence aimait. Son esprit se passait de croyance, et son cœur ne pouvait se passer d'amitié. Contradiction profonde, car une affection est une conviction. Sa nature était ainsi. Il y a des hommes qui semblent nés pour être le Verseau, l'envers, le revers. Ils sont Pollux, Patrocle, Nisus, Eudamidas, Héphaestion, Pecméja. Ils ne vivent qu'à la condition d'être adossés à un autre. Leur nom est une suite et ne s'écrit que précédé de la conjonction « et ». Leur existence ne leur est pas propre, elle est l'autre côté d'une destinée qui n'est pas la leur. Grantaire était un de ces hommes. Il était l'envers d'Enjolras. On pourrait presque dire que les affinités commencent aux lettres de l'alphabet. Dans la série O et P sont inséparables. Vous pouvez à votre gré prononcer O et P ou Oreste et Pylade. Grantaire, vrai satellite d'Enjolras, habitait ce cercle de jeunes gens. Il y vivait. Il ne se plaisait que là. Il les suivait partout. Sa joie était de voir aller et venir ses silhouettes dans les fumées du vin. On le tolérait pour sa bonne humeur. Enjolras, croyant, dédaignait ce sceptique. Et, sobre, cet ivrogne. Il lui accordait un peu de pitié hautaine. Grantaire était un Pylade point accepté. Toujours rudoyé par Enjolras, repoussé durement, rejeté et revenant, il disait d'Enjolras « Quel beau marbre !» Chapitre 2. Oraison funèbre de Blondeau par Bossuet. Une certaine après-midi, qui avait, comme on va le voir, quelques coïncidences avec les événements racontés plus haut, l'aigle de Meaux était sensuellement adossé au chambranle de la porte du café Musa. Il avait l'air d'une cariatide en vacances. Il ne portait rien que sa rêverie. Il regardait la place Saint-Michel. S'adosser, c'est une manière d'être couché debout qui n'est point haï des songeurs. L'aigle de Meaux pensait, sans mélancolie, à une petite mésaventure qui lui était échue l'avant-veille à l'école de droit et qui modifiait ses plans personnels d'avenir, plans d'ailleurs assez indistincts. La rêverie n'empêche pas un cabriolet de passer et le songeur de remarquer le cabriolet. L'aigle de Meaux, dont les yeux erraient dans une sorte de flânerie diffuse, aperçut, à travers ce somnambulisme, un véhicule à deux roues cheminant dans la place, lequel allait au pas et comme indécis. À qui en voulait ce cabriolet? Pourquoi allait-il au pas? L'aigle y regarda. Il y avait dedans, à côté du cocher, un jeune homme, et devant ce jeune homme, un assez gros sac de nuit. Le sac montrait aux passants ce nom écrit en grosses lettres noires sur une carte cousue à l'étoffe « Marius Pontmercy ». Ce nom fit changer d'attitude à l'aigle. Il se dressa et jeta cette apostrophe au jeune homme du cabriolet. « Monsieur Marius Pontmercy !» Le cabriolet interpellé s'arrêta. Le jeune homme, qui lui aussi semblait songer profondément, leva les yeux. « Hein ? » dit-il. « Vous êtes monsieur Marius Pontmercy ?»« Sans doute. »« Je vous cherchais, » reprit l'aigle de Meaux. « Comment cela ? » demanda Marius. Car c'était lui, en effet, qui sortait de chez son grand-père. Et il avait devant lui une figure qu'il voyait pour la première fois. « Je ne vous connais pas. » « Moi non plus, je ne vous connais point, » répondit l'aigle. Marius crut à une rencontre de loustique, à un commencement de mystification en pleine rue. Il n'était pas d'humeur facile en ce moment-là. Il fronça le sourcil. L'aigle de Meaux imperturbable, poursuivit. « Vous n'étiez pas avant-hier à l'école ?»« Cela est possible. »« Cela est certain. » »« Vous êtes étudiant ?» demanda Marius. « Oui, monsieur, comme vous. Avant-hier, je suis entré à l'école par hasard. Vous savez, on a quelquefois ces idées-là. Le professeur était en train de faire l'appel. Vous n'ignorez pas qu'ils sont très ridicules dans ce moment-ci. Au troisième appel manqué, on vous raye l'inscription. 60 francs dans le gouffre. » Marius commençait à écouter. L'aigle continua. « C'était Blondeau qui faisait l'appel. Vous connaissez Blondeau ? Il a le nez fort pointu et fort malicieux, et il flaire avec délice les absents. Il a sournoisement commencé par la lettre P. Je n'écoutais pas, n'étant point compromis dans cette lettre-là. L'appel n'allait pas mal, aucune radiation. L'univers était présent, Blondeau était triste. Je disais à part moi, « Blondeau, mon amour, tu ne feras pas la plus petite exécution aujourd'hui. » Tout à coup, Blondeau appelle « Marius Pontmercy ». Personne ne répond. Blondeau, plein d'espoir, répète plus haut « Marius Pontmercy ». Et il prend sa plume. « Monsieur, j'ai des entrailles, je me suis dit rapidement. Voilà un brave garçon qu'on va rayer. Attention, ceci est un véritable vivant qui n'est pas exact. Ceci n'est pas un bon élève, ce n'est point là un cul-de-plomb, un étudiant qui étudie. » Un blanc-bec pédant, fort en sciences, lettres, théologie et sapience. Un de ces esprits bêta tirés à quatre épingles, une épingle par faculté. C'est un honorable paresseux qui flâne, qui pratique la villégiature, qui cultive la grisette, qui fait la cour aux belles, qui est peut-être en cet instant-ci chez ma maîtresse. Sauvons-le, mort à Blondeau. En ce moment, Blondeau a trempé dans l'encre sa plume noire de rature, a promené sa prunelle fauve sur l'auditoire et a répété pour la troisième fois « Marius Pontmercy ». J'ai répondu « Présent ». Cela fait que vous n'avez pas été rayé. « Monsieur, dit Marius. « Et que moi je l'ai été, ajouta l'aigle de mots. « Je ne vous comprends pas, fit Marius. L'aigle reprit. Rien de plus simple. J'étais près de la chaire pour répondre, et près de la porte pour m'enfuir. Le professeur me contemplait avec une certaine fixité. Brusquement, Blondeau, qui doit être le nez malin dont parle Boileau, saute à la lettre L. L, c'est ma lettre. Je suis de mots et je m'appelle l'aigle. L'aigle ? Interrompit Marius. Quel beau nom ! Monsieur, le Blondeau arrive à ce beau nom et crie « L'aigle ». Je réponds « Présent ». Alors, Blondeau me regarde avec la douceur du tigre, sourit et me dit « Si vous êtes Pontmercy, vous n'êtes pas l'aigle ». Phrase qui a l'air désobligeante pour vous, mais qui n'était lugubre que pour moi. Cela dit, il me raye. Marius s'exclama « Monsieur, je suis mortifié ». Avant tout, interrompit l'aigle, je demande à embaumer Blondeau dans quelques phrases d'éloge senties. Je le suppose mort. Il n'y aurait pas grand-chose à changer à sa maigreur, à sa pâleur, à sa froideur, à sa roideur et à son odeur. Et je dis « Erudimini qui judicatis teram ». Sigi Blondeau. Blondeau le nez, Blondeau nasica le bœuf de la discipline. Bos disciplinae. Le molosse de la consigne, l'ange de l'appel, qui fut droit, carré, exact, rigide, honnête et hideux. Dieu le raya comme il m'a rayé. Marius reprit. « Je suis désolé. »« Jeune homme, dit l'aigle de mots, que ceci vous serve de leçon. À l'avenir, soyez exact. »« Je vous fais vraiment mille excuses. »« Ne vous exposez plus à faire rayer votre prochain. » Je suis désespéré. L'aigle éclata de rire. Et moi, ravi, j'étais sur la pente d'être avocat. Cette rature me sauve. Je renonce au triomphe du barreau. Je ne défendrai point la veuve et je n'attaquerai point l'orphelin. Plus de toge, plus de stage. Voilà ma radiation obtenue. C'est à vous que je la dois, monsieur Pontmercy. J'entends vous faire solennellement une visite de remerciement. Où demeurez-vous ? Dans ce cabriolet, dit Marius. Signe d'opulence, répartit l'aigle avec calme. Je vous félicite. Vous avez là un loyer de 9 000 francs par an. En ce moment, Courfeyrac sortait du café. Marius sourit tristement. Je suis dans ce loyer depuis 2 heures et j'aspire à en sortir. Mais c'est une histoire comme cela, je ne sais où aller. Monsieur, dit Courfeyrac, venez chez moi. J'aurai la priorité, observa l'aigle, mais je n'ai pas de chez moi. Tais-toi, Bossuet, reprit Courfeyrac. Bossuet, fit Marius, mais il me semblait que vous vous appeliez l'aigle. Deux mots, répondit l'aigle, par métaphore, Bossuet. Courfeyrac monta dans le cabriolet. Cocher, dit-il, hôtel de la Porte Saint-Jacques. Et le soir même, Marius était installé dans une chambre de l'hôtel de la Porte Saint-Jacques, côte à côte avec Courfeyrac. Chapitre 3. Les étonnements de Marius. En quelques jours, Marius fut l'ami de Courfeyrac. La jeunesse est la saison des promptes soudures et des cicatrisations rapides. Marius, près de Courfeyrac, respirait librement, chose assez nouvelle pour lui. Courfeyrac ne lui fit pas de questions, il n'y songea même pas. À cet âge, les visages disent tout de suite tout. La parole est inutile. Il y a tel jeune homme dont on pourrait dire que sa physionomie bavarde. On se regarde, on se connaît. Un matin pourtant, Courfeyrac lui jeta brusquement cette interrogation. À propos, avez-vous une opinion politique ? Tiens, dit Marius, presque offensé de la question. Qu'est-ce que vous êtes ? Démocrate bonapartiste. Nuance gris de sourire assuré, dit Courfeyrac. Le lendemain, Courfeyrac introduisit Marius au café Musain. Puis il lui chuchota à l'oreille avec un sourire. Il faut que je vous donne vos entrées dans la Révolution. Et il le mena dans la salle des amis de l'ABC. Il le présenta aux autres camarades en disant à demi-voix ce simple mot que Marius ne comprit pas. Un élève. Marius était tombé dans un guépier d'esprit. Du reste, quoique silencieux et grave, il n'était ni le moins ailé, ni le moins armé. Marius, jusque-là solitaire et inclinant au monologue et à l'aparté, par habitude et par goût, fut un peu effarouché de cette volée de jeunes gens autour de lui. Toutes ces initiatives diverses le sollicitaient à la fois et le tiraillaient. Le va-et-vient tumultueux de tous ces esprits en liberté et en travail faisait tourbillonner ses idées. Quelquefois, dans le trouble, elles s'en allaient si loin de lui qu'il avait de la peine à les retrouver. Il entendait parler de philosophie, de littérature, d'art, d'histoire, de religion, d'une façon inattendue. Il entrevoyait des aspects étranges. Et comme il ne les mettait point en perspective, il n'était pas sûr de ne pas voir le chaos. En quittant les opinions de son grand-père pour les opinions de son père, il s'était cru fixé. Il soupçonnait maintenant, avec inquiétude et sans oser se l'avouer, qu'il ne l'était pas. L'angle sous lequel il voyait toute chose commençait de nouveau à se déplacer. Une certaine oscillation mettait en branle tous les horizons de son cerveau. Bizarre remue-ménage intérieur. Il en souffrait presque. Il semblait qu'il n'y eût pas pour ces jeunes gens de choses consacrées. Marius entendait, sur toute matière, des langages singuliers, gênants pour son esprit encore timide. Une affiche de théâtre se présentait, ornée d'un titre de tragédie du vieux répertoire, dit classique. « Ah bah, la tragédie, cher aux bourgeois !» criait Bahorel. Et Marius entendait Combeferre répliquer. « Tu as tort, Bahorel, la bourgeoisie aime la tragédie. » Il faut laisser sur ce point la bourgeoisie tranquille.

sauver la transition, adoucir le passage, amortir la secousse, faire passer insensiblement la nation de la monarchie à la démocratie par la pratique des fictions constitutionnelles. Détestable raison que tout cela. Non, non, n'éclairons jamais le peuple à faux jour. Les principes s'étiolent et pâlissent dans votre cave constitutionnelle. Pas d'abâtardissement, pas de compromis, pas d'octroi du roi au peuple. Dans tous ces octrois-là, il y a un article 14. À côté de la main qui donne, il y a la griffe qui reprend. Je refuse net votre charte. Une charte est un masque. Le mensonge est dessous. Un peuple qui accepte une charte abdique. Le droit n'est le droit qu'entier. Non, pas de charte. On était en hiver. Deux bûches pétillaient dans la cheminée. Cela était tentant, et Courfeyrac n'y résista pas. Il froissa dans son poing la pauvre charte touquée et la jeta au feu. Le papier flamba. Combeferre regarda philosophiquement brûler le chef-d'œuvre de Louis XVIII et se contenta de dire « La charte métamorphosée en flammes. » Et les sarcasmes, les saillies, les colibés, cette chose française qu'on appelle l'entrain, cette chose anglaise qu'on appelle l'humour, le bon et le mauvais goût, les bonnes et les mauvaises raisons, toutes les folles fusées du dialogue, montant à la fois et se croisant de tous les points de la salle, faisaient au-dessus des têtes une sorte de bombardement joyeux. Chapitre 5. Élargissement de l'horizon. Les chocs des jeunes esprits entre eux ont cela d'admirable qu'on ne peut jamais prévoir l'étincelle ni deviner l'éclair. Que va-t-il jaillir tout à l'heure? On l'ignore. L'éclat de rire part de l'attendrissement. Au moment bouffon, le sérieux fait son entrée. Les impulsions dépendent du premier mot venu. La verve de chacun est souveraine. Un lazy suffit pour ouvrir le champ à l'inattendu. Ce sont des entretiens à brusque tournant où la perspective change tout à coup. Le hasard est le machiniste de ces conversations-là. Une pensée sévère, bizarrement sortie d'un cliquetis de mots, traversa tout à coup la mêlée de paroles où ferraillaient confusément Grantaire, Bahorel, Prouvaire, Bossuet, Combeferre et Courfeyrac. Comment une phrase survient-elle dans le dialogue? D'où vient qu'elle se souligne tout à coup d'elle-même dans l'attention de ceux qui l'entendent? Nous venons de le dire, nul n'en sait rien. Au milieu du brouhaha, Bossuet termina tout à coup une apostrophe quelconque à Combeferre par cette date. 18 juin 1815, Waterloo. À ce nom, Waterloo, Marius, accoudé près d'un verre d'eau sur une table, ôta son poignet de dessous son menton et commença à regarder fixement l'auditoire. « Pardieu ! » s'écria Courfeyrac. Parbleu, à cette époque, tombait en désuétude. « Ce chiffre 18 est étrange et me frappe. C'est le nombre fatal de Bonaparte. Mettez Louis devant et Brumaire derrière. Vous avez toute la destinée de l'homme. » Avec cette particularité expressive que le commencement y est talonné par la fin. Enjolras, jusque-là muet, rompit le silence et adressa à Courfeyrac cette parole. « Tu veux dire le crime par l'expiation ?» Ce mot « crime » dépassait la mesure de ce que pouvait accepter Marius, déjà très ému par la brusque évocation de Waterloo. Il se leva. Il marcha lentement vers la carte de France étalée sur le mur et au bas de laquelle on voyait une île dans un compartiment séparé. Il posa son doigt sur ce compartiment et dit « La Corse, une petite île qui a fait la France bien grande. » Ce fut le souffle d'air glacé. Tous s'interrompirent. On sentit que quelque chose allait commencer. Bahorel, ripostant à Bossuet, était en train de prendre une pose de torse à laquelle il tenait, il y renonça pour écouter. Enjolras, dont l'œil bleu n'était attaché sur personne et semblait considérer le vide, répondit sans regarder Marius. « La France n'a besoin d'aucune Corse pour être grande. La France est grande parce qu'elle est la France. Quia nominor Léo. » Marius n'éprouva nulle velléité de reculer. Il se tourna vers Enjolras et sa voix éclata avec une vibration qui venait du tressaillement des entrailles. « À Dieu ne plaise que je diminue la France, mais ce n'est point la diminuer que de lui amalgamer Napoléon. Ah ça, parlons donc. Je suis nouveau venu parmi vous, mais je vous avoue que vous m'étonnez. Où en sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Expliquons-nous sur l'empereur. Je vous entends dire « Buonaparte » en accentuant « lu » comme des royalistes. Je vous préviens que mon grand-père fait mieux encore. Il dit « Buonaparte ». Je vous croyais des jeunes gens. Où mettez-vous donc votre enthousiasme? Et qu'est-ce que vous en faites? Qui admirez-vous si vous n'admirez pas l'empereur? Et que vous faut-il de plus? Si vous ne voulez pas de ce grand homme-là, de quels grands hommes voudrez-vous? Il avait tout. Il était complet. Il avait dans son cerveau le cube des facultés humaines. Il faisait des codes comme Justinien, il dictait comme César. Sa causerie mêlait l'éclair de Pascal au coup de foudre de Tacite. Il faisait l'histoire et il l'écrivait. Ses bulletins sont des Iliades. Il combinait le chiffre de Newton avec la métaphore de Mahomet. Il laissait derrière lui, dans l'Orient, des paroles grandes comme les pyramides. À Tilsite, il enseignait la majesté aux empereurs. À l'Académie des sciences, il donnait la réplique à la place. Au Conseil d'État, il tenait tête à Merlin. Il donnait une âme à la géométrie des uns et à la chicane des autres. Il était légiste avec les procureurs et sidéral avec les astronomes. Comme Cromwell, soufflant une chandelle sur deux, il s'en allait au temple, marchant des glands de rideaux. Il voyait tout, il savait tout. Ce qui ne l'empêchait pas de rire, d'un rire bonhomme au berceau de son petit enfant. Et tout à coup, l'Europe effarée écoutait. Des armées se mettaient en marche, des parcs d'artillerie roulaient, des ponts de bateaux s'allongeaient sur les fleuves, les nuées de la cavalerie galopaient dans l'ouragan, cris, trompettes, tremblements de trônes partout, les frontières des royaumes oscillaient sur la carte. On entendait le bruit d'un glaive surhumain qui sortait du fourreau. On le voyait, lui, se dresser, debout sur l'horizon, avec un flamboiement dans la main et un resplendissement dans les yeux, déployant dans le tonnerre ses deux ailes, la grande armée et la vieille garde. Et c'était l'archange de la guerre. Tous se taisaient, et Enjolras baissait la tête. Le silence fait toujours un peu l'effet de l'acquiescement ou d'une sorte de mise au pied du mur. Marius, presque sans reprendre haleine, continua avec un surcroît d'enthousiasme. « Soyons justes, mes amis. Être l'empire d'un tel empereur, quelle splendide destinée pour un peuple. Lorsque ce peuple est la France et qu'il ajoute son génie au génie de cet homme, apparaître et régner, marcher et triompher, avoir pour étape toutes les capitales, prendre ses grenadiers et en faire des rois, décréter des chutes de dynasties, transfigurer l'Europe au pas de charge, qu'on sente, quand vous menacez, que vous mettez la main sur le pommeau de l'épée de Dieu, suivre dans un seul homme Hannibal, César et Charlemagne, être le peuple de quelqu'un qui mêle à toutes vos aubes l'annonce éclatante d'une bataille gagnée. Avoir pour réveil matin le canon des Invalides, jeter dans des abîmes de lumière des mots prodigieux qui flamboient à jamais. Marengo, Arcole, Austerlitz, Iéna, Wagram. Faire à chaque instant éclore au zénith des siècles de constellations de victoire. Donner l'Empire français pour pendant à l'Empire romain. Être la grande nation et enfanter la grande armée. Faire envoler par toute la terre ses légions, comme une montagne envoie de tous côtés ses aigles. Vaincre, dominer, foudroyer, être en Europe une sorte de peuple doré à force de gloire.